fè nou ade Parol an mwen sale Se vous sel ki sa pi jan pou pesi kre Le vwe mwen yon raje Super enerve Se vous sel ki sa kalme Ou ke ki dezarme A la demande du public La aussi ni on s'est rosienne, ou t'y n'y a qu'à pestérienne, ou t'y n'y a bastérienne, la aussi ni on voyalaise, ou t'y n'y a péléienne, ou t'y n'y a l'orinoise, la aussi ni on bozérienne, ou t'y n'y a abîmienne, ou t'y n'y a monalienne,